Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, le démantèlement du plus grand camp de migrants de France, surnommé la jungle de Calais, appellation sujette à débat, évidemment. 4 ans après la destruction de cette immense bidonville, où vécurent jusqu'à 10 000 personnes, la région attire encore celles et ceux qui rêvent d'un avenir meilleur, outre-Manche. Mais tandis que les habitants de l'ancien camp de la Lande, l'autre nom de la jungle, tentaient d'entrer en Angleterre par camion ou par train, les migrants empruntent aujourd'hui la voie maritime à bord d'embarcations de fortune. En 2020, les corps sans vie de 7 d'entre eux, dont une femme et 2 enfants, ont été retrouvés sur les côtes françaises, noyés dans les eaux grises de la Manche. 7 morts, qui viennent rejoindre, selon la mer, n'a jamais rendu les cadavres. Et ces femmes et ces hommes, écrasés par les camions sous lesquels ils se cachaient, étouffés sous des cargaisons, gelés dans des camions frigorifiques ou dans les soutes d'un avion, percutés ou électrocutés par un train aux abords du tunnel. C'est notamment pour mettre fin à ces traversées meurtrières qu'en octobre 2016, le gouvernement français décide d'évacuer le camp de la Lande à Calais. Un démantèlement présenté comme une opération humanitaire auquel certains accolèrent d'autres adjectifs, marketing politique, sécuritaire, inutile. Retour donc sur une semaine de peur et d'espoir entre nouveaux horizons et retour à la case départ avec cette question, octobre 2016, Calais, est-ce vraiment fini ? Notre invité aujourd'hui, François Guénoc, vice-président de l'Auberge des Migrants, avec plusieurs bénévoles de cette association, il a écrit le livre « La jungle de Calais 2015-2016, vu par les bénévoles ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Jeanne Maillard, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. En 2015, l'État confie l'ancien centre aéré Jules Ferry, situé dans le nord-est de Calais, près de la mer, à l'association La Vie Active. Le lieu est conçu pour mettre à l'abri des centaines de femmes et d'enfants dans des conteneurs chauffés. C'est aussi un centre de distribution de repas et de soins pour les migrants disséminés dans Calais et ses alentours, qui doit permettre de désengorger le centre-ville. L'idée étant de regrouper l'aide associative en un même lieu. Car depuis 2002, et la fermeture du centre de la Croix-Rouge de Sangatte, les migrants s'installent partout où ils peuvent, dans la ville. Bâtiments abandonnés, sous-bois, terrains vagues. Et tandis que les conflits et les totalitarismes s'intensifient dans le monde, notamment en Syrie, en Érythrée ou en Afghanistan, ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre l'Europe, avec Calais et le Royaume-Uni en ligne de mire. À partir de mars 2015, les migrants sont invités à quitter squats et campements d'hiver pour s'installer sur le terrain sablonneux de 18 hectares qui jouxte le centre Jules Ferry, propriété de la commune de Calais et du conseil régional. Officiellement, ce nouveau camp centralisé désigné comme la Lande, plus connu sous le nom de jungle. Le terme, qui vient du persan djangal, la forêt, désigne à l'origine les sous-bois où s'installèrent les premiers migrants au début des années 2000. C'est un terme utilisé par les habitants de la Lande, mais parfois récrié car il les renvoie à un imaginaire animal et hostile. C'est donc là, à proximité des axes routiers empruntés par les camions jusqu'en Angleterre, que des centaines puis des milliers de femmes et d'hommes s'installent au cours de l'année 2015 en attendant de pouvoir traverser la Manche. Chaque soir, des dizaines d'entre eux se glissent dans la nuit pour tenter de grimper dans des poids lourds qui les conduiront, si la chance leur sourit, vers le Royaume-Uni. Un rituel périlleux qui les expose à des accidents parfois mortels et qui inquiète les routiers dont les camions sont pris d'assaut. Reportage de Clément Le Golf pour France 2. Prendre la route de nuit à Calais comme ces chauffeurs routiers est devenu très risqué. Sur le bas-côté, sous nos yeux, des migrants par dizaines. Leur objectif, monter dans les camions qui vont en Angleterre. Et pour cela... Attention. Ils tentent de les ralentir par tous les moyens. Ici, de la ferraille que nous évitons de justesse, en plein milieu de la rocade. Et parfois, le barrage est infranchissable. Ici, une barricade de branchage vient d'être mise en place. Des passeurs tapent sur la cabine du chauffeur. Impossible pour lui d'aller plus loin. Cette situation, la plupart des routiers qui doivent livrer outre-Manche l'ont déjà vécue. À l'été 2015, les routiers sont nombreux à exprimer leur peur et leur colère. D'autant qu'ils souffrent économiquement à cause des retards et des amendes qu'ils doivent payer lorsque des migrants sont découverts dans leur remorque. Aux alentours du camp de la Lande, la tension monte. Certains Calaisiens, notamment des riverains du camp et des commerçants, partagent les craintes des chauffeurs routiers. Pour eux, le camp de la Lande est un poids qu'ils ne peuvent plus supporter. Il est vrai que le campement, avec sa réputation de jungle dangereuse, affecte l'économie locale. Les tentes et la boue du site n'ont pas grand-chose d'une attraction touristique. Il est vrai également que la précarité des migrants pousse certains à voler, notamment des matériaux de construction pour leurs abris. Il est vrai, enfin, que la Lande, avec ses 10 000 habitants à la fin août 2015, n'est pas exempte de violence, comme en témoignent les quelques agressions abondamment relayées par la presse. Mais l'insécurité à laquelle les Calaisiens sont confrontés concerne aussi et surtout le camp lui-même, où les associations d'aide aux migrants constatent des bagarres entre communautés, des pressions mafieuses de la part des passeurs et des violences sexuelles contre les femmes et de jeunes garçons. Par ailleurs, les migrants sont régulièrement victimes de violences policières ainsi que d'agressions de la part de groupuscules d'extrême droite. En fait, dans cette histoire, tout le monde est violent avec tout le monde. Au début de l'année 2016, l'État considère qu'avant que les tensions n'explosent et ne dégénèrent, il faut démanteler le camp de la Lande, un symbole de précarité et de violence qui fait tache au pays des droits humains. En mars 2016, la zone sud du campement est détruite sans que la population de la Lande ne décroisse pour autant. Parce que, loin d'abandonner leur rêve britannique, les candidats à l'émigration n'ont fait que déplacer leur tente dans la zone nord. Une promiscuité exacerbée qui va accentuer le manque d'hygiène, les tensions, les affrontements. En septembre 2016, le président François Hollande annonce finalement le démantèlement total de la jungle de Calais et une date est fixée. Ce sera le 24 octobre. Pour que nous puissions réussir dans les délais que j'ai fixés, d'ici la fin de l'année, et le plus tôt possible, le démantèlement complet du campement de Calais, les préfets ont reçu des instructions très précises des ministres de l'Intérieur et du Logement. 9000 places seront créées dans les CAO, les centres d'accueil et d'orientation. Une solution sera de mise à l'abri sera indiquée à chaque migrant présent à Calais. Après les comptes, les autorités françaises estiment que l'évacuation du camp de la Lande concernera finalement 6400 personnes qui seront envoyées par bus, 170 véhicules en tout, dans quelques 280 CAO répartis en France. Ils pourront rester 3 mois dans ces CAO, centres d'accueil et d'orientation, le temps de se reposer, de bénéficier de soins et de lancer leur demande d'asile. L'opération présentée comme humanitaire équivaut à la destruction d'une véritable petite ville dans la ville. Ce sont 6400 migrants selon l'État, 10 000 selon les associations présentes à Calais, qu'il faudra déplacer en l'espace de quelques jours avant de démolir le camp. Un camp de tentes, d'abris de fortune et de conteneurs aux apparences chaotiques et pourtant bien organisés. Oui, avec ses rues, ses lieux de culte, une église, plusieurs mosquées, son école, ses salons de coiffure et ses petits commerces. Au fil des mois, la jungle de Calais s'est urbanisée pour devenir un village éphémère mais bien vivant, où cohabitent des enfants, des femmes et des hommes du monde entier, syriens, afghans, éthiopiens, soudanais, iraniens, congolais, pakistanais. Tous ont fui la misère, la répression, la guerre, avant de risquer leur vie dans un périple violent qui les a menés jusqu'à Calais. Tous ces damnés de la terre ont souffert. Certains ont connu en chemin l'esclavage, les viols, la torture. Et beaucoup ont trouvé à Calais, certes, le froid et la promiscuité, mais aussi les mains tendues de bénévoles associatifs qui les écoutent et qui les soutiennent. Si le camp de la Lande et plus généralement les migrants qui transitent par Calais depuis 2 décennies survivent, c'est grâce aux nombreuses associations qui y travaillent, jour et nuit. L'Auberge des migrants, Médecins du Monde, Utopia 56 ou encore la Cabane juridique. Des bénévoles qui regardent avec scepticisme la destruction annoncée de la jungle, qu'ils jugent inutile en l'état, parce que les migrants, affirment-ils, reviendront. Le lundi 24 octobre 2016 à l'aube, l'opération peut commencer sous la surveillance de plus de 1250 policiers mobilisés pour l'occasion. Fabienne Bussiot, la préfète du Pas-de-Calais, s'exprime alors devant la presse comme elle le fera régulièrement au cours de la semaine, souriante, rassurante. toutes les migrants vont être invités à venir dans ce bâtiment qui en fait va fonctionner un peu comme une gare routière. Ils vont venir là. À l'entrée, il y aura 4 files distinctes. Une file pour les mineurs, une file pour les majeurs, une file pour les familles, une file pour les vulnérables. Le migrant majeur se trouve devant l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui va simplement lui proposer 2 régions au choix. Et en fonction de la région qui aura été choisie, on remettra au migrant un bracelet de couleur. Le migrant rentre dans la tente. C'est des tentes de 50 places. Quand la tente de 50 places est pleine, le bus est appelé et le bus peut partir vers le centre d'accueil et d'orientation. Dès 8h, les premiers bus doivent partir vers des centres d'accueil et d'orientation répartis dans tous les départements du pays, à l'exception de Paris, où les migrants sont déjà trop nombreux pour être correctement accueillis, et de la Corse, où il n'existe pas de centre d'accueil. Officiellement, 2400 personnes doivent quitter le camp ce lundi 24 octobre 2016. Et c'est dans le calme que les premières files se constituent autour du hangar prévu pour la répartition, dans un bourdonnement de journalistes. Ils sont environ 500 à couvrir cette première journée de démantèlement. Sur les chaînes nationales, comme sur les chaînes d'infos en continu et surtout sur elles, les reporters s'apprêtent à faire le point plusieurs fois par jour. Le Figaro, Libération, propose même des lives pour suivre en direct, heure par heure, le déroulé des opérations. Les journalistes Aïdé Saberan, reporter pour Libé, décrit un véritable cirque médiatique, dont les migrants eux-mêmes d'ailleurs se moquent en imitant avec humour les journalistes. Et les centaines d'envoyés spéciaux présents à Calais ne sont pas tous français, loin s'en faut. On croise dans la lande des Britanniques, évidemment directement concernés, mais aussi des Espagnols, des Américains, des Canadiens. Voici leur réaction, assemblée par l'IBESAP. At times things have been quite chaotic with people jostling for place in the queue. So many people have turned up in a short space of time that the authorities are trying to keep everything in order, but it is proving tricky at times. Horas de la mañana de hoy, sin embargo, el operativo se desarrolla con calma. The resignation of those who've left the camp today is matched only by the defiance of the very many who've decided to stay put. The jungle looks tonight much as it did before the evacuation began. La presse étrangère souligne quelques bousculades, mais globalement, les premiers départs s'effectuent dans le calme. L'ambiance n'est pas encore à la colère dans le camp de la lande, mais plutôt à l'inquiétude et au doute. Que va-t-il survenir une fois que nous serons montés dans les bus, se demandent les candidats au départ. Beaucoup parmi eux sont sous le coup de la procédure Dublin, c'est-à-dire que leurs empreintes digitales ont déjà été enregistrées dans un autre pays, le seul où ils peuvent désormais demander l'asile, en l'occurrence l'Italie. Pays qu'ils ont pourtant souhaité quitter. La Direction générale des étrangers en France, en charge de la question, assure que tous pourront, malgré tout, déposer une demande d'asile, mais les associations et les migrants restent dubitatifs, car cette promesse concerne exclusivement les personnes jugées vulnérables, c'est-à-dire qu'elle exclut les hommes majeurs, célibataires, sans enfants. Or, il se trouve qu'ils constituent la majorité des migrants. Autre crainte, qu'adviendra-t-il de ceux qui refusent de quitter Calais? Selon Christian Salomé, président de l'association L'Auberge des Migrants, il serait ainsi près de 2000 à vouloir rester. Et si certains acceptent de monter dans les bus pour ne pas risquer d'être enfermés en centre de rétention, il l'affirme déjà aux bénévoles et aux journalistes, on reviendra tenter notre chance, car c'est en Angleterre que nous voulons aller. Le 24 octobre 2016 au soir, au terme de cette première journée de démantèlement, le journaliste Jocelyn Debourreau fait le bilan sur France 3. Malgré l'appréhension de certains, 2318 migrants ont décidé de quitter Calais. La première journée de ce démantèlement de la jungle de Calais s'est passée dans le calme. Il faut dire que dès hier, les associations et les autorités ont mené un important travail de dialogue, un travail de dialogue qui semble avoir porté ses fruits, puisque d'après les tout derniers chiffres, ce soir, près de 2300 migrants ont quitté la jungle de Calais à bord de 45 bus. Alors comment vont réagir les centaines de migrants qui continuent à vouloir rester ici dans cette jungle de Calais? Difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que le dispositif de sécurité ce soir est toujours très impressionnant. On parle ici de plus de 1250 policiers et gendarmes. Je suis parti d'un bout du monde. J'étais trop grand pour me courber. Parmi les nuages de poussière, juste au bord de la terre. Et j'ai marché le long des routes, le ventre à l'air dans le ruisseau. Et même que le vent nous écoute, et la pluie va tomber bientôt. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis mille ans. Tellement de nuit sous la paupière, tellement de forêts abattues. Même sous la mitraille et le fer, moi je leur ai rien vendu. Et que même dans l'espace Schengen, ils ont pas voulu de ma peau. Ce que je fais à moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais à moi, je sais pas. Je pense à toi depuis mille ans. Pas la manière. Depuis la terre, on y revient. Moi j'ai un orgue de barbarie et je vais pourrir leur pays. C'est pas avec la bombe atomique, c'est pas avec les tours de France qu'ils me mettront de leur côté quand j'aurai fini ma croissance. Ce que je fais à moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, non, je sais pas. Je pense à toi depuis mille ans. Sensible, Fabrice Drouel. Octobre 2016. Au matin du deuxième jour de démantèlement du camp de la Lande de Calais, tous les regards sont tournés vers les migrants mineurs, les bambini, comme les désignés migrants qui sont pour beaucoup passés par l'Italie dans leur périple migratoire. Ils sont environ 1300 à vivre dans le camp, dans l'espoir de passer en Angleterre où, pour 40% d'entre eux, ils ont de la famille. Dès avant le démantèlement d'ailleurs, le Royaume-Uni s'est engagé auprès de la France à les recevoir, après avoir étudié au cas par cas leur dossier. Mais les Britanniques tardent à honorer cet accord. Alors, en attendant, les autorités françaises ont mis en place à Calais un centre d'accueil provisoire, le CAP, ou CAP comme vous voulez, composé de conteneurs de 6 lits superposés chacun, de quoi loger les mineurs pendant que Londres instruit leur dossier. 700 jeunes migrants y sont envoyés. Devant le hangar où s'organise l'évacuation, la file destinée aux mineurs est la plus fournie. À l'entrée, c'est l'association France Terre d'Asile, mandatée par l'État, qui détermine si les jeunes qui se présentent sont bien mineurs. Mais enfin, à 17, 18, 19 ans, comment faire la différence, surtout sur des visages marqués par la souffrance? Une sélection au faciès, injuste et inefficace, dénonce publiquement Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde, en ce mardi 25 octobre 2016. Maïwan, un Afghan de 17 ans, raconte au micro de Thibault Lefebvre sur France Inter comment il s'est vu refuser l'accès au centre d'accueil provisoire. Ils étaient devant moi, au milieu de tous les mineurs, et ils m'ont dit que je n'avais pas 17 ans. Ils m'ont proposé soit de rester en France, soit d'essayer tout seul de rejoindre l'Angleterre. Je leur ai répondu que moi je voulais traverser la Manche. Tous les jours, mon oncle m'appelle et me demande quand j'arrive. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai pas de solution. Si je retourne en Afghanistan, ils vont me tuer parce que j'ai travaillé avec des Anglais dans la prison de Bagram. J'ai vu des prisonniers talibans. C'est pour cette raison qu'ils me considèrent comme un ennemi. La file destinée aux hommes seuls, elle, s'est vidée le mardi 25 octobre, deuxième jour du démantèlement du camp de Calais. À 11h, 4 quarts seulement sont partis vers les centres d'accueil et d'orientation répartis dans toute la France. Restent les réfractaires et les indécis. Alors, tandis que la veille, les migrants choisissaient à la hâte et souvent au hasard parmi les deux destinations qu'on leur proposait, ils ont désormais le temps de réfléchir davantage. Quelle est la ville la plus accueillante? Où y aura-t-il le plus de travail? Et surtout, à combien de kilomètres de Paris se trouve-t-elle? Voilà les questions que les migrants posent aux bénévoles et aux journalistes présents sur place. Nantes ou Saint-Denis-de-Cabanes, Bonnel ou Verdun, Strasbourg ou Arès, les futurs demandeurs d'asile doivent trancher alors qu'ils ne connaissent parfois rien de la France, hormis Calais et Paris. Pour Suleyman, par exemple, ce sera Cancale, parce qu'on lui a dit qu'il y trouverait une université à proximité. À chaque chaîne de télévision, ce mardi 25 octobre, son reportage dans un des 280 CAO de France. Les caméras y filment l'arrivée des migrants, sourire aux lèvres, fatigués mais soulagés. Tous expriment leur reconnaissance et leur espoir, sans se douter peut-être que leur présence n'est pas du goût de tout le monde. Depuis l'annonce du démantèlement de la jungle, élus de droite et d'extrême droite n'ont eu de cesse de nourrir les peurs des Français en assénant des contre-vérités, au point que certaines communes regardent avec suspicion la venue de ces étrangers. En septembre, Laurent Wauquiez, dirigeant des Républicains, avait lancé une pétition pour dénoncer la création de mini-jungles dans toute la France, divisant ainsi son propre parti. Un argument également repris par le Front National, comme l'explique Nicolas Bay, alors secrétaire du parti. On ne fait que déplacer et amplifier le problème. Il fallait surtout les empêcher d'entrer avant de vouloir les empêcher de sortir pour aller vers l'Angleterre. Et puis il fallait cesser d'organiser comme ça l'accueil de ces immigrés clandestins massifs sur l'ensemble du territoire national, parce que c'est de ça dont il s'agit. On a démantelé Sangatte il y a quelques années, ça n'a rien changé. Aujourd'hui on démantèle Calais, ça ne changera rien, à part créer des petits Calais partout, des mini-jungles sur l'ensemble du territoire national. Et ce sont les Français qui en seront les victimes. Mais le plus choquant, c'est que bien sûr, la place des clandestins... ça n'est pas dans des camps payés par le contribuable, c'est évidemment dans des charters. La solution, c'est pas la répartition, c'est l'expulsion. Mais de surcroît, c'est une injustice insupportable, parce que il y a des Français, il y a 120 000 SDF recensés. Et dans le même temps, on va loger des clandestins, alors, y compris dans des grands, dans des centres spacieux, confortables, et ça, c'est inacceptable. Pour le Rassemblement National, ce démantèlement est l'occasion de multiplier les amalgames, en parlant à la fois d'immigration, de délinquance, de terrorisme et de la France des oubliés, ces vrais Français que le parti entend défendre. Un peu partout dans le pays, des sympathisants FN, parfois accompagnés de militants identitaires, organisent des rassemblements devant les centres d'accueil. Des tracts qui sont distribués mettent en scène des visages masqués de keffiers devant des tas d'ordures. Ils arrivent, préviennent les petits bouts de papier. Dans le Puy-de-Dôme, la peur de certains locaux va les pousser à aller plus loin. Un incendie criminel est déclenché dans un CAO, heureusement encore vide. Mercredi 26 octobre 2016, le Premier ministre Manuel Valls, interrogé sur France Inter, se félicite de la réussite de cette opération de démantèlement qui montre la France, estime-t-il, sous son meilleur jour. Ce qui est en train de se passer à Calais, c'est un beau visage de la France. Voilà une opération humanitaire qui est menée en tenant compte d'hommes et de femmes qui fuient la guerre, qui demandent l'asile et qui est menée aussi avec fermeté. Attendons la fin de la semaine, mais il y a déjà plus de 4000 personnes qui aujourd'hui ont été évacuées de Calais. Il en reste encore 1000 à 2000. Et puis l'accueil se passe aujourd'hui dans les centres d'accueil et d'orientation plutôt bien. Il faut le faire avec humanité et là, fermeté. Au matin du mercredi 26 octobre 2016, troisième jour du démantèlement de celle qu'on appelle la jungle, 4014 personnes ont officiellement quitté le camp pour un centre d'accueil. Mais l'ambiance est plus tendue que ne le laisse entendre Manuel Valls. Des employés de la société de déblaiement chargés de la destruction du camp démontent à la main les cabanes vides, laissant pelleteuses et tractopelles ramasser les débris. Le tout dans un épais brouillard de fumée. Car dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs incendies ont éclaté, blessant un jeune homme de 16 ans dans l'explosion d'une bonbonne de gaz. Les pompiers, mais aussi des bénévoles et des migrants, tentent d'éteindre les nouveaux départs de feu qui se déclarent dans l'après-midi du 26 octobre, tandis que la préfète du Pas-de-Calais, Fabienne Bussiau, rassure les journalistes. Incendier sa maison avant de déménager, c'est une tradition afghane, assène-t-elle. Rapidement, les bénévoles présents à Calais qui côtoient les habitants du camp au quotidien contredisent ces propos, fausses informations, disent-ils, qui pourraient provoquer des peurs injustifiées vis-à-vis des migrants. Donc, méthode dangereuse. Si la jungle brûle, ce n'est pas pour des raisons culturelles, c'est parce que les migrants qui voient leur construction démolie sous leurs yeux sont démunis et en colère. Alors, plutôt que de voir les forces de l'ordre le faire, certains préfèrent mettre eux-mêmes le feu à leur habitation, explique ainsi l'auberge des migrants. Pour les autorités, ces incendies apportent la preuve qu'après 3 jours, l'évacuation du camp est terminée. Devant la presse, en ce 26 octobre, la préfète du Pas-de-Calais ne manque pas de rendre l'événement officiel et avéré. Notre mission est remplie. Nous avons fait le tour ce matin. Il n'y a plus de migrants au sein du camp de la Lande. Nous avons d'ores et déjà, au moment où je vous parle, dépassé les 5000 personnes qui ont été accueillies au SAS. Nous allons encore bien sûr continuer toute la journée jusqu'à ce soir. Tant que nous aurons un migrant, il sera accueilli. Donc nous terminerons à l'heure qu'il conviendra, de manière à accueillir tout le monde. Mais ce soir, puisque le travail est fait, nous fermerons le SAS. Mis à part le gouvernement, dont Fabienne Guessiot porte la parole bienheureuse, tout le monde à Calais reste sceptique. Les Calaisiens, qui ont milité en faveur de la destruction du camp, se disent soulagés. Mais tous expriment des doutes, des illusions. Malgré la fermeture du centre de Sangat en 2002 et les évacuations de squats et de campements d'hiver qui se sont succédés depuis, les réfugiés sont toujours revenus à Calais, dans ses environs, avec l'espoir de passer en Angleterre. Ici comme ailleurs, on le sait, le camp de la Lande n'est pas qu'un enjeu local, mais le résultat d'une politique migratoire nationale et européenne. Moi, j'y crois pas trop, mais on aura toujours. Ils veulent aller en Angleterre. Donc, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, il y a des gens qui vont squatter des maisons, ils feront des camps. Et que voulez-vous qu'on fasse? On va les prendre, les mettre de force dans un bus. Ils vont revenir. Il y a encore pas mal de migrants, parce qu'on en a encore une centaine à repasser là devant la maison. Donc, pour moi, tout n'est pas démantelé. Il y a quand même eu quelque chose de fait, un petit avancement de fait. Mais je veux dire, comme ils ont toujours dit que c'était carrément la jungle complète, plus de migrants, plus de ceci, cela. Bon, bah, on va dire, faut peut-être laisser le temps aussi. C'est jamais fini. Moi, je dirais quand c'est fini, quand je retrouverai... La jungle vide et comme elle était il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'il y avait une flaque avec des poissons, des oiseaux, la nature, et pas ce bidonville. Au lendemain de l'évacuation du camp de la Lande, le jeudi 27 octobre 2016, un collectif d'associations d'aide aux migrants tient une conférence de presse qui contredit les annonces du gouvernement. Près de 500 personnes ont passé la nuit dans le bidonville, estiment les bénévoles, dont 200 ou 300 mineurs. Par dizaines, faute de pouvoir prouver qu'ils ont moins de 18 ans, des jeunes garçons ont dormi dans l'école, la mosquée et l'église orthodoxe du camp, parmi les dernières structures encore debout. Parmi eux, certains entendent rester à Calais. D'autres voudraient bien partir, mais ne savent plus comment s'y prendre. Car le hangar de départ des bus, ainsi que le centre d'accueil provisoire réservé aux mineurs, sont désormais fermés. France Terre d'Asile estime que 1451 mineurs ont été mis à l'abri dans le centre prévu à cet effet avant que surchargé ne ferme ses portes. Au cours du démantèlement, des mineurs venus d'ailleurs seraient arrivés à Calais dans le but de profiter des accords franco-britanniques. L'unique chance pour eux de voir leur dossier étudié par le Royaume-Uni. Dans la journée du vendredi 28 octobre, une soixantaine de mineurs quittent finalement Calais dans des bus à destination de la Bretagne, après que les autorités leur ont promis d'examiner un futur, impossible, un hypothétique départ en Angleterre. Selon les associations d'aide aux migrants, entre 2 et 3 000 personnes auraient quitté le camp de la Lande par leurs propres moyens pour éviter d'être renvoyées dans l'un des centres d'accueil et d'orientation répartis dans toute la France. Beaucoup se seraient rendus à Paris. Et cela malgré les déclarations de la ministre du Logement, qui assurait le 28 octobre que la capitale ne connaissait aucun afflux de migrants venus de la jungle. Pourtant, dans le nord de Paris, place Stalingrad notamment, ils sont nombreux à arriver de Calais en fin de semaine. Avec une certitude, bientôt, ils y retourneront. Reportage d'Antoine Geoffin sur France Inter. Au milieu des tentes et matelas de fortune, Youssef, visage juvénile et tête sous une capuche. Il porte un bracelet bleu avec l'inscription « mineur ». Le jeune érythréen, 17 ans, était à Calais encore mercredi, avant d'être évacué vers un centre de Nancy, puis il a rallié Paris. L'Angleterre, c'était impossible. Maintenant, je veux aller au Luxembourg. Mes amis me disent que c'est un beau pays et qu'ils s'occupent bien des mineurs isolés. À côté du robinet qui sert de point d'eau aux migrants, ce Soudanais n'est lui jamais allé à Calais. Il est arrivé ici il y a 5 jours. L'Angleterre, il veut continuer d'y croire malgré tout. UK is my first and only hope. Le Royaume-Uni, c'est mon premier et seul espoir. Mais qu'est-ce que je peux faire? On ne peut pas aller là-bas. Donc je reste ici pour l'instant, mais je n'abandonnerai pas parce que c'est mon rêve. Dans les jours qui suivent la fin officielle de celle qu'on appelait la jungle de Calais, les derniers habitants quittent progressivement la zone. Il s'agit des femmes seules et des familles du centre Jules Ferry, hébergées dans des conteneurs à proximité de l'ancien camp. Il y a aussi les mineurs du centre d'accueil provisoire, envoyés en Angleterre pour quelques centaines d'entre eux, ou répartis en France, dans des centres d'accueil d'orientation pour mineurs isolés. Calais, c'est fini, déclarait le ministre de l'Intérieur de François Hollande, Bernard Cazeneuve, le 7 novembre 2016, avant d'annoncer la couleur aux migrants transitant par Calais, donc. Une politique sécuritaire fondée sur une présence policière renforcée afin d'éviter, disent-ils, la reconstitution de points de fixation. 4 ans plus tard, en 2020, et 5 ans plus tard, même en 2021, l'ancienne jungle n'est plus. Pourtant, malgré les expulsions quasi quotidiennes, des centaines de femmes et d'hommes continuent de faire de Calais l'étape finale de leur exil vers le Royaume-Uni. Welcome to the jungle, well. Yeah. Yeah. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle, well. Yeah. I asked her where she wanna be when she 25. She turned around and looked at me and she said alive. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle, well. Black axe who rolls, move halves and rolls. Come down to the jungle, just ask for hoes. Move blocks and squares, move apples and pears. Work pots and pans, just to cop me some airs. My uncle died, my daddy did too. Paralyzed by the pain, I could barely move. My nephew gone, my heart is torn. Sometimes I look to the sky, ask why I was born. My faith in God, every day is hard. Every night is worse, that's why I pray so hard. Why I pray so hard? This is crazy, God. Just when I thought I had everything, I lost it all. So case arrived, get a case of arrived. Let it chase the pain, for it goes too far. My dreams is big, reality setting. Let off a clip from my automatic weapon. Threw shots in the door, it died in Vegas. Though it fought so hard, I knew it wouldn't make it. I'm a tortured soul, I live in disguise. Rest in peace to the leader of the Jackson 5. I died in my sleep, I'm still big pimping. I ball at the mall, beginning of the ending. Where the fuck is the sun? It's been a while. Mama, look at your son. What happened to my smile? My tears is tatted, my rag in my pocket. I'm just looking for love, I know somebody got it. Champagne for the pain, weed for the low. God damn, I'm so high, where the fuck did I go? I'm losing myself, I'm stuck in the moment. I look in the mirror, my only opponent. Where the fuck is the press? Where the fuck is the press? Either they know or don't care, I'm fucking depressed. No crying in public, just lying to judges. Risking my life, I'm already dying, so fuck it, well. Welcome to the jungle, welcome to the jungle, well. God damn it, damn it, damn it. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la jungle de Calais, dont nous allons parler avec notre invité François Guénoc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association L'Auberge des Migrants, qu'on a évoqué pendant le récit. Avec plusieurs bénévoles de l'association, vous avez écrit le livre que je tiens entre mes mains sur couverture blanche, une couverture en noir et blanc. Ça s'appelle le live de la jungle ou le live de la jungle. Alors c'est amusant parce qu'on peut s'amuser avec ça. Et vous appelez Kipling aussi, comme le livre de la jungle. Bref, c'est écrit par... Vous l'avez écrit et avec le concours des bénévoles, justement. C'est donc vraiment du vécu. On y reviendra. À se pencher sur ce dossier-là, on se dit que on n'est pas forcément face à une crise des migrants, mais face à une crise de l'accueil. Est-ce que vous partagez ça ? Oui, c'est ce que disent la plupart des grandes ONG. Le nombre de migrants qui arrivent en France aujourd'hui n'est pas si élevé. Il a été, c'est vrai, important en 2015-2016. Il l'est plus aujourd'hui et il serait tout à fait possible de les accueillir. Surtout si on se rend compte que les dispositifs qui sont mis en place par les autorités à la frontière franco-italienne, à la frontière franco-britannique, sont des dispositifs extrêmement coûteux. Une partie de cet argent serait bien mieux utilisée, effectivement, pour accueillir les personnes. Rappelons le profil de ces personnes-là, parce que c'est très important. Peut-être parfois y a-t-il des critiques où on a peur de ces personnes-là, parce qu'on ne connaît pas exactement leur profil. Il faut rappeler que ce sont, pour l'essentiel, j'imagine pour la grande majorité, des gens qui ont fui la violence, qui sont menacés dans leur pays. Il faut le dire, parce que si on ne dit pas ça, on ne comprend pas. Tout à fait. On parle souvent des migrants économiques qui seraient des gens en fait qui viendraient en Europe uniquement pour trouver un meilleur avenir. Ça existe, mais c'est vraiment une minorité. La plupart des personnes qui arrivent fuient la répression, la dictature, la répression religieuse, les guerres, bien entendu, comme c'est le cas de la Syrie, de l'Afghanistan. Exactement. Et puis de pays africains également. Oui, tout à fait. On pense en particulier au Tchad, la République centrafricaine, entre autres, et surtout la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie. Et l'Érythrée, qui sont effectivement des régions qui sont sujettes à des guerres civiles et à des conflits souvent très très dangereux pour la population. Et l'enfer n'est pas terminé pour eux, parce qu'avant d'arriver à Calais, le chemin est parfois juché d'embûches, voire d'embûches mortelles et extrêmement dramatiques. Ces gens-là sont en danger dans leur pays. Quand ils quittent leur pays, ce serait bien qu'ils soient pas en danger quand ils arrivent quand même. Voilà, et en particulier, bien sûr, la traversée de la Méditerranée, puisque les voies terrestres, elles sont encore un petit peu utilisées, mais beaucoup moins que autour de 2015-2016. Effectivement, la traversée de la Méditerranée est un énorme danger, et on sait qu'il y a eu des milliers de victimes toutes ces dernières années dans ces traversées. Où en est Calais aujourd'hui? Voilà, ce site, cet endroit dont on a tant parlé pendant des années, dont on vient de parler pendant 40 minutes, où en est-on aujourd'hui, février 2021? Alors effectivement, Calais, c'est pas fini. Après la démolition de la jungle en octobre 2016, il restait quelques dizaines, on va dire, d'exilés qui étaient souvent d'ailleurs chez l'habitant ou qui se cachaient. Mais dès le mois de février-mars 2017, ils étaient 300 ou 400. Et depuis lors, leur nombre varie entre 500 et 1500 à Calais. Par exemple, en juillet dernier, ils étaient 1500, et actuellement, dans les camps et dans les rues de Calais, ils sont entre 500 et 600. Leurs conditions aujourd'hui sont plus difficiles que les conditions du temps de la jungle? Beaucoup plus difficiles. On peut évidemment souligner que les conditions de vie dans la jungle n'étaient pas idéales. C'était à certains égards un camp un peu infâme, avec de la boue, des rats, des conflits quelquefois. Un bidonville, tout à fait. Mais aujourd'hui, les conditions de survie sont encore beaucoup plus difficiles, avec une pression de la police extrêmement forte, des expulsions quotidiennes ou quasi quotidiennes. Également, des mesures prises à l'égard des associations humanitaires pour les empêcher de travailler, en tout cas pour rendre plus difficile leur travail. Donc, effectivement, la démolition de la grande jungle n'a rien arrangé. Quel regard vous posez sur la dénomination jungle de Calais? Bon, elle est un petit peu rentrée dans le vocabulaire courant. Pour nous, elle n'a pas une connotation extrêmement négative. On a beaucoup parlé, nous, de bidonville. C'était le plus grand bidonville d'Europe en 2016. Les Anglais disaient slum, qui est le même terme. La lande est un terme inventé par les autorités pour pas dire le bidonville ou le camp. Et en fait, ça n'a jamais été une lande sur le plan, on va dire, sur le plan géologique, géographique. Ouais. Bon, alors pour voir comment la situation a évolué depuis le démantèlement d'octobre 2016, je vous propose de faire un point comme un rapport d'étape à mi-chemin par rapport à aujourd'hui. Ça nous met en mai 2019 avec un reportage de Martin Vanlaton diffusé sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Ils nous gazent, ils nous prennent nos tentes, ferment tout, nous frappent même parfois. Il y a beaucoup de violence policière par ici. Partout où on dort, partout, ils ferment, c'est dur, et ça devient de plus en plus dur. Quand je marchais dans la rue, j'ai rencontré les policiers. Ils m'ont insulté, ils m'ont demandé où j'allais. Ils ont été violents, et ils m'ont gazé en pleine figure. Je trouve que la façon dont ils sont traités est inhumain, d'empêcher les personnes d'être logées, de les retrouver dans les rues, de les poursuivre, de les maltraiter. C'est pire en pire, il suffit de regarder un petit peu le nombre de traversées actuellement. Alors, risque et péril, c'est de pire en pire, oui. Mais ça renvoie à ce que vous disiez à la question précédente, où en est-on en 2021? Déjà en 2019, on en était là. Alors, un des changements depuis l'époque de la jungle et même les deux années qui suivent, ce sont les difficultés croissantes pour les exilés de traverser la Manche dans les camions, dans les voitures, dans les caravanes, du fait de la mise en place d'instruments de détection de plus en plus perfectionnés, d'un dispositif de contrôle vraiment extrêmement fort, d'où les traversées par petits bateaux qui se sont développées à partir de la fin 2019 qui se sont considérablement développées en 2020 puisque les Britanniques estiment que 8300 personnes ont réussi à traverser en 2020 sur des moyens des tout petits bateaux, des pneumatiques, etc. Du côté français, on recense à peu près officiellement, chiffre officiel, 9500 tentatives. Et d'ailleurs, si vous faites le rapport entre les deux, vous voyez que le taux de réussite, finalement, de ces traversées est assez important, ce qui est un des éléments d'attraction de Calais pour les personnes qui veulent aller en Angleterre. Mais pourquoi veulent-elles aller en Angleterre? Alors, pour une minorité des personnes, c'est un vrai choix. C'est-à-dire qu'ils ont de la famille, ils ont un travail qui les attend, voire même un travail qui va leur permettre de finir de payer leur voyage de leur pays de départ jusqu'à la Grande-Bretagne. Mais pour la très grande majorité, c'est pas un choix, c'est un peu la dernière chance. Parmi les personnes présentes à Calais, il y a beaucoup de gens qui ont été déboutés du droit d'asile. Elles ont demandé l'asile en France, en Allemagne, en Danemark, on leur a dit non. Deuxième catégorie, des gens qui sont dublinés, c'est-à-dire à qui on dit « Vous avez laissé des empreintes digitales en Italie, en Grèce, en Bulgarie, vous devez demander l'asile là-bas, ou bien vous devez attendre 18 mois avant de pouvoir demander l'asile. » Et il y a aussi une catégorie un peu plus récente de gens qui ont eu des papiers pour 5 ans en Allemagne, notamment des Soudanais, et pour X raisons, ces papiers n'ont pas été renouvelés. Donc ces personnes se retrouvent à Calais pour tenter leur chance. On va se retrouver dans François Guénoc dans 3 minutes pour continuer à parler de ce dossier des migrants, cette crise de l'accueil au bout du compte après avoir écouté Sleaford Smith's Nudge It. Gimme, gimme. Subjects for police. they mask and crow. You're just a mind that's sighing and buying so dull. And the after effects are making my skin crawl. François, qu'est-ce que c'est comme, dites donc, François Guénoc. Deux questions d'actualité liées vraiment à l'actualité et on reviendra sur la question du démantèlement. Le Brexit, j'imagine, ça change pas mal de choses, hein, pour les migrants parce qu'il y a beaucoup plus de contrôle maintenant. Je dirais pour l'instant pas forcément. Bon, on a vu des embouteillages très importants en décembre qui ont permis à des personnes de passer. Depuis, le trafic s'est fortement ralenti, n'a pas complètement repris comme avant le 31 décembre. En fait, la grande inconnue, c'est la future politique migratoire britannique. Les Britanniques aimeraient bien pouvoir envoyer, dès que les gens arrivent sur leur côte ou qu'ils sont repérés dans des camions, aimeraient bien pouvoir les renvoyer directement sur le continent. Parce que c'est évident qu'ils viennent du continent, donc ils voudraient les renvoyer. Mais pour l'instant, à notre connaissance, c'est peut-être un sujet de discussion entre l'Europe et la Grande-Bretagne, mais pour l'instant, l'Europe n'a pas accepté de recevoir en retour ces personnes de Grande-Bretagne. La chose quand même qu'ont développé les Britanniques, c'est des renvois directs vers les pays d'origine, mais quand même quelque part, on pense qu'ils vont bien devoir faire face aux demandes d'asile qui arrivent et les traiter. L'impact du Covid sur ces gens-là. L'accès aux soins, on imagine que ça pose une question. Maintenant, ils sont beaucoup jeunes, on l'a dit. Alors, il y a des mesures de confinement qui ont été proposées. Il y a eu une chaîne sanitaire qui a été mise en place. Officiellement, il y a eu très très peu de cas de Covid. Il est possible qu'en réalité, il y en ait plus. Et il est possible que certains exilés ne soient pas fait soigner. Il faut quand même rajouter que c'est une population jeune qui vit dehors et qui du coup n'est probablement pas une population très sensible. Alors, détruire le camp comme les autorités l'ont fait en 2016, j'ai rien, c'était déplacer le problème finalement à la fois dans l'espace et dans le temps. Pour vous, c'était une opération de communication politique à l'adresse du peuple français ou une opération humanitaire, ou les deux, ou un peu plus de com' que d'humanitaire? À l'époque, faut se souvenir que le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, parlait d'une politique d'humanité et de fermeté. Alors, on peut effectivement y voir de l'humanité, proposer des hébergements à des personnes, des futurs demandeurs d'asile. On peut aussi y voir effectivement une mesure autoritaire et dévastatrice pour ce qui était bâti sur la jungle. Donc c'était, je pense qu'avec du recul, on peut considérer que c'était en partie une réussite. Certainement sur le plan logistique, c'était extrêmement difficile à mettre en place ces bus, ces policiers, ce bâtiment et surtout ces centres d'accueil. Mais en réalité, c'est quand même quelque part un échec. Il y a beaucoup de gens qui sont restés derrière. Il y a beaucoup de mineurs en particulier et les exilés sont revenus. Et quant aux personnes qui ont accepté de partir vers les centres d'accueil, on n'a pas de chiffres précis, mais on peut estimer que peut-être la moitié ont obtenu l'asile. On se souvient que Cazeneuve avait envoyé une circulaire à ses préfets demandant à ce qu'on accorde la possibilité pour les exilés de demander l'asile même s'ils avaient laissé des empreintes dans d'autres pays. Mm-hmm. Et en fait, cette circulaire a été globalement respectée, mais dans certains départements, il a fallu vraiment mettre la pression sur les préfets pour que ces demandes d'asile soient acceptées. Et pour ceux qui n'ont pas obtenu l'asile, donc suite à ce passage dans le CAO, quel était leur parcours? Et on les retrouve où? Alors, il y a eu une dispersion des personnes qui ne sont pas montées dans les bus. Déjà, d'ores et déjà, avant la démolition, il y avait à peu près 10 000 habitants dans la jungle en septembre. Il en restait à peu près, d'après nos calculs, qu'à peu près 8 000 au moment du début du démantèlement. Mm-hmm. Beaucoup étaient partis vers Bruxelles, Paris ou ailleurs pour tenter leur chance ailleurs ou se cacher en attendant de revenir à Calais. Donc, quant aux personnes qui n'ont pas obtenu en définitive l'asile, probablement encore beaucoup errent sur les routes européennes, cherchant une solution dans tel ou tel pays et n'en trouvant pas. Il y a des exilés qui sont arrivés depuis des années et des années en Europe et qui, pour l'instant, continuent à errer, n'ont pas obtenu leur chance de s'intégrer, de travailler en Europe et donc effectivement sont sans solution. Et les mineurs avec qui on avait promis un accueil provisoire puis un accueil ensuite, notamment en Angleterre, ces mineurs, que sont-ils devenus eux aussi? Alors, il y a effectivement, le Home Office a embarqué un petit peu avant la démolition du camp et au moment de la démolition du camp a embarqué quelques centaines de mineurs, beaucoup moins que ce qu'espérait le gouvernement français, qui s'est retrouvé sur les bras avec des mineurs qui avaient été refusés ou dans le dispositif de départ vers les CAO, parce que mineurs, et qu'on a envoyé vers les CAO MIE, CAO pour mineurs isolés. Franchement, on n'a pas de chiffres sur de données précises sur leur devenir. la grande inquiétude et qui était souvent soulevée par les organisations humanitaires, ce sont des disparitions pures et simples de mineurs dont on peut craindre que pour certains qui se soient retrouvés dans des réseaux de trafic humain, de délinquants certainement aussi, recrutés par des trafiquants de drogue, etc. Donc effectivement des mineurs qui sont partis sur des mauvaises pentes. Ou qui sont devenus des victimes. Oui, je suis en train de, en même temps, et bien sûr que je vous écoute attentivement, je jette un œil sur votre livre et je me pose la question de savoir quels sont les rapports des bénévoles, d'abord avec les populations concernées, les migrants, et puis avec la population de Calais. Comment ça s'est passé? D'abord avec les migrants, comment ça se passe? Alors, puisqu'on a parlé de la jungle aujourd'hui, sur la jungle, les relations entre les bénévoles et les exilés étaient très étroites. Et en particulier parce que chaque exilé avait sa caravane, sa tente, sa cabane. Ils vous invitaient à boire un café, à partager un repas, etc. Et il y avait une vraie possibilité de communication. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Les exilés, on les rencontre sur les files d'attente, quand on distribue des aliments, des vêtements, etc. Et ce sont pas des endroits, des lieux, des temps favorables pour créer une véritable communication. Donc aujourd'hui, il y a quand même une certaine distance, à part pour les équipes, comme pour la Palacité Refugee Youth Service, qui essaie de travailler pour mettre à l'abri les mineurs. Donc les relations sont aujourd'hui, on va dire, bien moins étroites qu'elles n'étaient du temps de la jungle. Quant aux relations avec la population, en fait, la population calaisienne est très partagée. Bon, globalement, il y a quand même un ras-le-bol de la situation. Il n'y a aucune solution politique qui a été trouvée depuis 20 ans et qui ne semble se dessiner aujourd'hui. Mais après, quand vous creusez un petit peu, vous avez des Calaisiens qui sont hostiles à la présence des migrants, mais ils sont finalement pas si nombreux que ça. Ils sont un petit peu agités par le Rassemblement National et la droite locale. Vous avez des gens qui sont un peu indifférents et des gens qui aident, qui ont de la compassion, qui aident même concrètement, qui hébergent, qui aident une personne, deux personnes, une famille. Et en fait, la solidarité à Calais, elle existe quand même. Elle n'est pas générale, mais elle existe. J'ai noté que vous, moi je dis migrant, vous dites exilé, effectivement, exilé, le terme que vous voulez employer parce que c'est le plus approprié, c'est le plus propre à la situation de ces personnes, des exilés, avant d'être des migrants. Oui, alors, c'est difficile de trouver un terme fidèle. Vous avez entendu tout à l'heure l'extrême droite qui parlait clandestin, ce qui est vraiment une dénomination extrêmement péjorative. Beaucoup sont clandestins parce qu'on veut pas leur accorder de papier. Hein. Bon, passons. Les migrants, pour nous, c'est pas un terme qui a une connotation, pour nous, l'auberge des migrants, négative, mais elle a quand même un peu cette connotation depuis quelques années. On préfère exiler. Effectivement, ce sont des gens qui ont été poussés en dehors de chez eux ou qui ont dû partir pour fuir le danger. Ils sont exilés. Ouais, oui. Je retiens. On pourra parler de réfugiés quand ils auront effectivement un statut de réfugié, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'entre eux. Il nous reste 30 secondes. Quelle est l'intention de ce livre? L'intention de ce livre, c'est de montrer toute la complexité de la jungle à travers la jungle de Calais, donc de la grande jungle, à travers le regard des bénévoles. Il y a 39 témoignages et c'est presque autant de regards différents, des gens qui ont de la colère, des gens qui ont de la compassion, des gens qui ont de l'admiration. Et je crois qu'au total, ce livre reflète bien la réalité de ce qu'était la jungle à cette époque-là. Parce que ça permet d'aller au fond des choses, mais ça permet de toucher surtout la vérité des choses. Hein. Voilà. C'est fait pour ça un livre qu'on ne dise pas n'importe quoi. On essaye d'arriver à la vérité. Exactement. Merci infiniment, François Guénoc. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la jungle de Calais, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Pierre-Yves de Rolin.